Okay, thanks a lot. Bye-bye. さあ、深く呼吸をしてください。 Don't slip. Participation à une nouvelle culture radiophonique. Le nouvel art radiophonique sera fondé premièrement sur le parasite. Salut à tous, bienvenue au Beau Bizarre pour l'émission numéro 3 de la saison 2011-2012 qui sera consacrée ce soir aux musiques d'Afrique. Elle vous sera animée par un trio de choc avec Fabrice, bonsoir. Alex et Cédric. Salut Fabrice, j'espère que tu es en forme. Ouais, pas de problème. Alex en tout cas est en très très grande forme, ça c'est sûr. De même, oui oui, ah oui là, j'ai jamais été aussi bien je crois. Exactement, bah, c'est un peu normal. C'est normal, donc on va, vu le thème de ce soir. Exactement, on va vous proposer vraiment des musiques venues de tout le continent. Et on va commencer par une spéciale un peu éthiopie quand même, un des pays les plus dynamiques en termes de musique dans ce continent, avec pour commencer Mahmoud Ahmed, un morceau qui s'appelle Almaz Men Edane sur l'Ethiopic numéro 6. Au passage, un grand merci à Francis Falsetto, qui est le responsable de cette précieuse collection des Ethiopiques. Allez, c'est parti. Almaz Menedane te fale mela, endi alelege erie te fale mela, ende chile ayal so saite lala, eye matvelo ndau kiberunyim, eye matvelo ndau kiberunyim, sauka uge bichaleo, zemet si me kreni, almaz menedaneo. Altenya, wake and I'm a shilling. The kind of Nasus would be yelling. Nela saw Alicia, ami memulu hiotin. Nela saw Alicia, ami memulu hiotin. Can chicken me lay yen, emerta lemotin. Almas menedane. Chazen afasasku bezi alam mafatarin amarrku mbaye fatso alfolinyal yanchim bage yiqatlan Gemeria Anchin fagin Tedesichi Unet meslon Lipin satarush Tesnanichi Kasetochu Lovely chee Anchin wedded Tasasi chee Cassetto chew Lovely chee Anchin wedded Tasasi chee Kuchkal kubets Asnesitesh ተዋውቀሽኝ ጠብቀኝ ብለሽ ሳላስበው ተለየሽኝ ካንቺ ወዲያ ሴት አላምንም ለማግኘት Kanchi wadia setalamne le magnetin al mokirin Afasasku Bazi halen Mefet erin Amarirkun Mbae faso al folinya yan chimbakin yikatelal Mbae faso al folinya yan chimbakin yikatelal Yalla fal fal kahun wedi annekenanyim ende duro yemakabrish aimeslenyim yikertabti alekabelim Kanchi wadiya seita lamne Yikirta bitti alikabalim Kanchi wadiya seita lamne Kanchi wadiya seita lamne Kanchi wadiya seita lamne C'était donc Girma Beyene avec 7 Alamenem, morceau qui fait partie des 4 uniques titres qu'il ait enregistré en 1969. Il est surtout connu pour avoir été un très très grand arrangeur justement pour Mahmoud Ahmed, pour Moulatou Astatke, plus d'une soixantaine de titres à son actif. Et on poursuit le voyage en Éthiopie avec Fabrice. Oui, et avec justement Moulatou Astatke. Et un titre qui s'appelle Yegel Tezeta, qui est encore une fois sur une des compilations des Éthiopiques. C'est toujours la même période, hein, c'est la fin des années 60. Moulatou Astatke, qui est donc un musicien éthiopien, lui aussi, qui a été formé en partie à Boston, et qui a été remis un peu au goût du jour depuis le film de Jim Jarmusch, Broken Flowers. Où il apparaissait sur la bande son. Voilà, on peut l'écouter. Thank you. ከም ያገሰኝ ብርቱ ካን በልቼ ሎሚ ሎሚ ያገሰኝ አናንተ እንደምናለህ እኔ ጤና ነሰኝ አናንተ እንደምናለህ እኔ ጤና ነሰኝ ላሊበላለቱን እንደፈለፈለው ላሊበላለቱን እንደፈለፈለው ወደንዲያ ነው ተዘታ ልቤን የከፈለው እንዲያ ነው ተዘታ የከፈለው ይሄኛውን ተራራ ያኔ የጋረደው የኛውን ተራራ ያኔ ጋረደው አየት ታያ ካረፈ ጌጌደው አየት ታያ ካሉ ረቆ ጌጌደው ዳግም በትንሣኤው ነፍሰን ዘራበት ዳግም በትንሣኤው ነፍሰን ዘራበት ዘንድሮ ሚገኛል አምና በዋለበት ዳግም ናና ያገሬ ልጅ እኮ ናና የወንዝ ልጅ ዳግም ናና ያገሬ ልጅ እኮ ናና የወንዝ ልጅ Etenesh Wassier, chanteuse éthiopienne, et Mathieu Sourisseau, contrebassiste toulousain, jouer un morceau intitulé Burtukan sur l'album Bello Bello qui est sorti en 2010 chez Bouddha Music. Et on va changer maintenant de pays, on va passer de l'Éthiopie au Mali, je crois, ou au Niger, je n'ai pas bien compris. Mais c'est plus compliqué que ça, puisqu'effectivement, la musique est sous influence africaine, c'est évident. Mais le compositeur, c'est tout simplement Damon Albarn. Le morceau s'appelle donc Niger, effectivement, on le retrouve sur la compilation Rare Grooves Africa. Et en fait, le chanteur de Blur dans ce morceau a su capter l'essence de la pop africaine lors de son immersion chez les musiciens maliens. Donc on va bien vraiment sentir l'influence de l'Afrique, mais en même temps aussi un côté pop anglais. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment les musiciens occidentaux peuvent aussi s'inspirer de la musique africaine et la revivifier, tout en lui rendant hommage. Allez, c'est parti. Yeah. madalonja se kama me kanjolongi wakanji. Ame kanjoki madalonja se kama me kanjolongi wakanji. La comale kumongera se kamilita nye shide madi. Dilele, dilele. Una kosa iraya mayo me paramaya ma kanda kanda. Ishida mamba kenda se kamike nanda di kode songo. Minda kadi kode songa lolo mu minda kando tunda onya. Dilele, dilele. Menyimi anyapunya di tenaya se nyanya mongelo. Menyimi kedumba ya yedumbe ma kanda wombolaka. Nate shinga wakona watende ya kose mikede sombe ketole. Dilele, dilele. Ishidi nungambo somba se kamikambo toka topoke. Dilele, dilele. Umakote ira ya mayo mempa di komaro kunge tole. Imi maro kunge tole na mponu di komaro konga mambe. Imi maro konga mambo na nyombe di komoro akangelo. Iti madera lo membo mesa di lo lalo memba mochimu. Dilele, dilele. Bote ndo sanu machinya se kamina tere mi dombe senda. Dilele, dilele. Me karo akangela se kami meni mi kodo yambo koma. Bato makoza ira wana papa nyomo mako wotenda delene. Choka tende deleno men para kire koyo jo mizike. Dilele, dilele. Akukendo samangirenda se kami kuambula oba ede. Yedu meta shona de la kuka kuambula wembo keshi. Dilele, dilele. Mama mama pene si oto ndoto ngona na yende wanundu koto jolo dukana. Dilele, dilele. Yedu mela mawakide loko da de la mbole kayangelo. Lona munda lute ma se kami makanda kanda kanda. Date kana mboda kana ma se kami katoja koto no wami. Dilele. Vous venez d'entendre l'ethnie Tetela, une ethnie du nord du Zaïre, sur la compilation Petite musique du Zaïre, justement sortie chez Bouddha il y a quelques années. Un titre un petit peu frustrant par sa durée, on aurait aimé qu'il dure un petit peu plus, mais comme vous l'entendez, le collecteur avait décidé de chuinter le titre, voilà. Et je laisse la parole à Cédric pour un changement de pays, là aussi. Changement de pays, changement de civilisation même, on passe de l'Afrique noire à l'Afrique blanche avec Idir, un morceau très célèbre, Avava Inouva. C'est l'occasion d'ailleurs pour nous de vous signaler que Idir sera en à Vauvert le 28 janvier 2012, salle Georges Bizet, donc... C'est l'occasion d'aller rencontrer et d'aller écouter ce chanteur kabyle. Allez.

étonnante reprise de Popcorn par le guitariste égyptien Omar Khorshid. Guitariste égyptien très populaire au début des années 70. Il était également acteur dans quelques films. Et sa musique était très influencée à la fois par la musique arabe et la musique occidentale, et notamment la musique rock et psychédélique des années 70. Vous pouvez le constater par vous-même si vous arrivez à mettre la main sur une réédition de ses principaux succès qui est sorti chez le label Sublime Frequencies en 2010, mais qui est malheureusement épuisé. Et oui. Nous allons passer maintenant à quelque chose d'assez différent. Nous allons passer à Missa Louba et les troubadours du roi Baudouin. Un morceau intitulé Sanctus qui est assez fameux pour figurer dans le film qui obtint la Palme d'Or en 1969, un film de Lindsay Anderson intitulé If avec McDowell. Qui est peut-être pas un film très connu, mais que je vous recommande chaudement de visionner, sur la subversion de quelques élèves dans une école anglaise qui se rebellent contre l'autorité. Et on a cette musique de Missa Louba qui mêle à la fois percussion du Congo belge de l'époque et chant sacré des Européens. On l'entend tout de suite. Oh, c'est Yannick Top. Alors pourquoi Yannick Top? Parce que il s'agit d'une collaboration avec Doudou Ndaye Rose et les percussionnistes de Dakar. Ils se sont rencontrés lors d'une séance d'enregistrement en fait pour Bernard Lavillier. Et Yannick Top a été totalement subjugué et saisi par un cycle de percussion particulier, donc joué par les percussionnistes de Dakar. Et il a décidé de leur proposer d'enregistrer un morceau en improvisation. Et voilà, c'est aussi une manière de souligner le caractère magique de l'Afrique. Je laisse la parole à Cédric qui va enchaîner avec une personnalité fort intéressante. Et aussi magique dans aussi un autre genre. Mais là, je crois qu'on va peut-être faire le plus beau grand écart de la saison, parce qu'effectivement, on a écouté un morceau magnifique, très sombre. Et on va enchaîner avec Francis Bébé. Francis Bébé, c'est un Camerounais. Il est l'auteur, je pense, des chansons qui sont parmi les plus drôles du monde. Le morceau s'intitule « Mon amour pour toi ». Sur l'album La Condition Masculine, les féministes nous excuseront. Simplicité, humour, rythme, joie de vivre, le bonheur sur les ondes du beau bizarre. Mon amour pour toi, mon amour pour toi est très grand, très très grand, plus grand que la plus haute montagne de tout le pays. Mon amour pour toi est plus long que le kilomètre. Tu as déjà vu un amour comme celui-là? Où? Dis-moi, où même? Je te jure, trois personnes comme ça, le père, le fils et la mère, c'est moi qui te dis ça. Mon amour pour toi est plus nombreux que les gouttes de pluie qui tombent. Il peut briller, briller même plus que le soleil. Même dans la nuit là, il peut briller plus que le soleil. Tu vois toi-même que c'est trop fort. Est-ce que tu as le soleil briller dans la nuit? Hein? Mon amour pour toi, il est éternel, il est universel et il est unique, hein? Je ne sais même pas comment le décrire. Il est plus beau qu'un ciel plein d'étoiles. Et même quand les étoiles ne sont pas là, mon amour pour toi est encore plus beau que le ciel. Il est dense comme la forêt vierge. Mon amour pour toi est plus profond que le fond de la mer. Quand je me promène dans les rêves, je nage dans mon amour pour toi comme un poisson dans l'eau. Tu vois donc, mon amour pour toi est même aquatique, comme il est terrestre et en même temps céleste. Mon amour pour toi, c'est un point ou un point virgule. Ce n'est pas deux points, car ça ne demande pas d'explication. C'est un point d'exclamation. Mon amour pour toi, c'est une virgule et trois points de suspension, car ça continue toujours. Et ce n'est jamais un point d'interrogation, hein? Jamais, jamais, car c'est résolu dans mon cœur. Mon amour pour toi est tout mon amour. Point final. Est-ce que tu peux trouver plus grand que ça? Même le président de la République, même le roi, même la reine d'Angleterre là, même le banquier qui a beaucoup d'argent, n'a pas un amour aussi grand que celui-là. Mon amour pour toi. Je te dis seulement, mon amour pour toi, il est très très grand. Trop grand même. Crois-moi. C'est la vérité. vérité. Francis Bébé. Oui, c'est quand même un morceau superbe. Mais écoutez, j'espère que vous avez passé une belle heure de voyage avec nous. On a voyagé, je pense, un petit peu dans la plupart des pays africains, enfin en tout cas les grandes régions d'Afrique, de Yaoundé à Dakar en passant par la Kabylie, l'Éthiopie, Fabrice. Le Sénégal avec Yannick Top et Dakar. Exactement. Donc. Et on va se quitter avec un autre titre tiré de la compilation Petite Musique du Zaïr. Il s'agit des Lamentations de l'ethnie Bomanor. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Oui, voilà. Je pense que ça sera... Même équipe. Une émission un peu plus orthodoxe. Oui. Ça n'est jamais orthodoxe, une émission. Ouais, c'est pas le bon mot, effectivement. Allez, salut, salut à tous. I'm gonna go get some more.